Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gourmet du Pré 1862. Question 88. Du retour des péchés remis par la pénitence. Effet d'un péché subséquent sur les péchés remis. Effet plus spécial de 4 péchés. Culpabilité du péché subséquent comparée à celle des péchés remis. Si l'ingratitude qui fait revivre les péchés remis est un péché spécial. 1. Les péchés remis par la pénitence reviennent-ils par un péché nouveau? Les dons et la vocation de Dieu, nous dit saint Paul, sont sans repentir. Romains 11, 29. L'œuvre de Dieu ne saurait être annulée par l'œuvre de l'homme. Or la rémission des premiers péchés est l'œuvre de la miséricorde divine, donc la malice des hommes n'y peut rien, comme le marque cette parole. Leur infidélité rendra-t-elle vaine la fidélité de Dieu ? Romains 3:3. Ainsi les péchés remis ne reviennent pas par un péché subséquent. Il peut arriver, toutefois, qu'un tel péché contienne virtuellement la culpabilité des fautes antérieures, par cela seul que, méprisant la bonté de Dieu, il est plus inexcusable, conformément à cette parole. La dureté de votre cœur impénitent vous amasse un trésor de colère pour le jour de la vengeance. Romains 2, 5. Sous ce rapport seulement, le péché qui suit la pénitence ramène, d'une certaine façon, comme contenu virtuellement en lui, les péchés remis. 2. Les péchés remis reviennent-ils par certains péchés plutôt que par d'autres? La haine fraternelle, l'apostasie, le mépris de la confession et le regret d'avoir fait pénitence ramènent spécialement, à raison de l'ingratitude, les péchés pardonnés. Je dis, premièrement la haine fraternelle. Celui-là commet spécialement le péché d'ingratitude qui agit contre la nature du bienfait reçu, et tel est l'homme qui, après avoir reçu de Dieu le pardon de ses péchés, refuse, à cause de la haine qu'il garde dans son cœur, de pardonner à son frère. Deuxièmement, l'apostasie. Quiconque renie sa foi agit directement contre le bienfait que lui a mérité son acte de foi formé par la charité. Troisièmement, le mépris de la confession. Un tel acte attaque positivement la résolution que l'on avait prise de se soumettre aux clés de l'Église, conformément à cette parole, j'ai dit, « Je confesserai moi-même mon iniquité au Seigneur ». Et vous m'avez remis l'impiété de mon péché. Psaume 31, 5. Quatrièmement, le regret d'avoir fait pénitence. Un pareil regret semble détruire le premier repentir par lequel on a détesté le péché. 3. L'ingratitude du péché subséquent produit-elle une aussi grande culpabilité que les péchés remis? Le péché qui suit les péchés pardonnés peut très bien être moins grave que dans son genre, et il est certain que l'ingratitude dont il est entaché, se mesurant sur sa gravité même, ne lui fait pas toujours atteindre leur culpabilité. Tout ce que l'on peut affirmer à cet égard, c'est que plus les péchés remis étaient graves et nombreux, plus est grande la culpabilité ramenée par un nouveau péché mortel. 4. L'ingratitude qui fait revivre les péchés remis est-elle un péché spécial? L'homme qui pécherait avec l'intention de mépriser Dieu et le bienfait qu'il en a reçu, commettrait un péché spécial d'ingratitude. Mais, dans celui qui a seulement l'intention de commettre tel péché, un homicide par exemple, l'ingratitude ne constitue pas un péché particulier, elle appartient, comme circonstance, à cet autre péché. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.